vous tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve cet après-midi sur Radioactive pour un nouveau numéro de l'agenda du week-end, l'émission qui vous fait faire le tour des sorties en Indre-et-Loire. Et ce week-end, on retrouve des événements pour tous les goûts et ce, dès ce soir, avec le début du festival WET organisé par le Théâtre de l'Olympia de Tours. Et pour nous parler de cette 8e édition, on a joint par téléphone l'une des organisatrices de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Et alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ? Oui, je m'appelle Lara Melchiori, je travaille en production dans la jeune troupe du Théâtre Olympia, qui est le centre dramatique national de Tours. D'accord, et donc vos missions dans le théâtre, elles ressemblent à quoi ? Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Alors, déjà ce qu'il faut dire, c'est que je travaille donc dans la jeune troupe de ce théâtre, qui est composée de 5 jeunes artistes, sortent des écoles nationales supérieures et des conservatoires de la région, de 2 techniciens et techniciennes et donc d'une personne en production qui est moi-même. Et donc mon travail est beaucoup lié à cette jeune troupe et aux artistes de cette jeune troupe. Si on devait résumer, ce serait un peu des missions d'organisation et de coordination et voilà, de toutes les activités de ces jeunes artistes. Et il y a une mission un petit peu particulière qui est la programmation avec le reste de la jeune troupe du Festival WET et, en ce qui me concerne, une grande partie de son organisation. D'accord, oui, donc c'est des missions hyper larges. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Théâtre Olympia, il est dans le centre de Tours. Hein, il a une proposition toute l'année de spectacles et donc, il faut s'y intéresser, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais là, si vous êtes là aujourd'hui, justement, c'est pour nous parler du Festival WET qui fête sa 8e édition cette année. Voilà, exactement. C'est la 8e édition du Festival WET. Donc, c'est ce week-end du 22 au 24 mars. D'où vient ce festival ? Quand est-ce qu'il est né ? Alors, ce festival, qui d'ailleurs s'appelle le Festival WET, W-E-T, pour Week-end au Théâtre, il est né sous l'impulsion de l'ancien directeur du théâtre, qui s'appelle Jacques Vincet, qui avait donc une jeune troupe qui faisait vivre en partie ce théâtre. Et il a eu envie de confier à cette jeune troupe la responsabilité d'un festival d'émergence, de jeunes créations, pour qu'en fait, ces jeunes artistes qui soient programmés par leur père, en fait. D'accord. Et qu'il y ait aussi... Il y a une question des droits culturels qui est assez importante, du coup. Oui, il y a cette volonté de vraiment mettre en avant les jeunes artistes, les jeunes écrivains, les jeunes comédiens. Voilà, exactement. C'est de mettre en avant la jeune création et la jeune création aussi qui est représentative des jeunes artistes d'aujourd'hui. Et donc du coup, dans cette programmation pour le festival sur le week-end, on a 8 pièces qui vont être présentées et c'est des thèmes assez variés et finalement assez contemporains aussi. Hein. Il y en a eu notamment sur la question des agressions sexuelles, des violences sexuelles. Absolument, c'est le spectacle Marche Salope. Et ce spectacle, il a une forme très singulière et comme tous les spectacles de cette programmation, puisque c'est en fait un peu l'ADN de ce festival, d'avoir des propositions très singulières avec des formes qui étonnent, qui questionnent. Il y a un endroit, il y a une prise de risque dans la programmation qui fait partie vraiment de l'ADN de ce festival. Oui, et est-ce que c'est juste des troupes de théâtre local, par exemple du centre d'art dramatique, ou c'est des troupes de partout en France qui viennent pour ce festival ? Alors, c'est des troupes de partout en France et même de l'international, puisque cette année, on a plusieurs équipes belges et suisses. Et on a aussi une attention pour les compagnies locales. Donc, il y a une compagnie qui est implantée à Tours cette année. Pas de compagnie du théâtre ou avec des artistes de la jeune troupe, puisqu'on ne fait pas d'autoprogrammation. D'accord. Mais qu'on a la volonté de découvrir d'autres artistes, de les faire découvrir au public et aussi aux professionnels du spectacle vivant qui viennent beaucoup à ce festival qui a une envergure nationale. Et donc plusieurs représentations pour chacune des pièces qui seront présentées. Donc il faut se rendre sur le site du théâtre pour voir la programmation. Voilà, exactement. Après, vous avez des brochures du festival qui sont disponibles dans pas mal de lieux culturels aussi. Donc peut-être que vous pouvez la retrouver aussi un petit peu partout dans la ville et bien sûr au Théâtre Olympia. D'accord. Et j'ai vu également qu'il y aurait une soirée de clôture, c'est ça, à ce festival en partenariat avec le Bateau Ivre, c'est ça ? Alors oui, en fait, cette soirée de clôture, elle a été programmée en complicité avec le Bateau Ivre sur 2 des artistes qui sont programmés, qui vont être les deuxième et troisième sets, c'est DJ Space Short et DJ Naomi, qui tous les deux sont originaires de Tours. Et le premier set qui va ouvrir la clôture, en fait, c'est un artiste qui s'appelle Blablaf, mais qu'on connaît bien au théâtre puisque c'est un ancien technicien son. Et en fait, il a contacté toutes les compagnies qui ont un spectacle. Il a bien lu leur dossier artistique et en fait, il a composé une chanson en hommage à chaque spectacle qui joue dans le festival. Et donc, c'est comme ça que la soirée de clôture va s'ouvrir. Ah oui, donc ce sera vraiment cohérent et c'est vraiment un ensemble. Oui. Donc, pour se renseigner, on se rend sur votre site. Et pour réserver nos places également, il y a une billetterie. Voilà, absolument. Après, c'est un festival qui n'est pas que au Théâtre Olympia. Il y a aussi plusieurs lieux partenaires dans toute la ville et les îles et la Riche, par exemple. Et donc, par exemple, si vous voulez aller voir le spectacle AMV qui joue à la Pléiade à la Riche, vous pouvez aussi contacter le site de la Riche, la billetterie de la Pléiade. En tout cas, merci à vous pour toutes ces belles précisions. Et donc, on se rend tous au théâtre ce week-end. Avec plaisir. On espère vous y voir, nombreux et nombreuses. Merci à vous en tout cas et bon courage pour l'organisation et le déroulement. Merci beaucoup. Toujours ce soir, mais cette fois-ci à Montlouis, vous pouvez assister à un concert à la médiathèque Stéphane Hessel, et ce à partir de 19h. Vous pourrez y voir la musicienne Nell Aileen, qui viendra présenter son troisième album, Erase My Memory. Pour cela, il vous faut réserver vos places, alors direction le site internet de la médiathèque. Toujours ce soir, débute également un autre festival de théâtre du côté de Noisy, cette fois-ci avec les Noisigolos, qui se poursuivront jusqu'à dimanche. Ce festival de théâtre amateur célèbre cette année sa 5e édition sur le thème « Tous femmes ». Au programme, 5 compagnies de théâtre, donc amateurs, qui vont proposer des spectacles sur scène, allant de la comédie de boulevard au théâtre plus contemporain. Et les sujets traités seront bien évidemment en lien avec le quotidien des femmes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur Facebook au nom Les Noisigolos. Ce samedi aussi, on a de quoi faire. En plus des festivals qui se poursuivent, on peut se rendre à la journée de la BD de Langer, qui fête cette année sa 14e édition. L'événement se déroulera dans la salle Inox de la ville. L'entrée est libre pour l'après-midi et au programme, on a de quoi faire, avec dans la matinée la tenue à partir de 10h d'un atelier d'initiation au dessin de manga destiné au jeune public entre 8 et 12 ans. Mais pour s'y rendre, il faut obligatoirement s'inscrire. Et dans l'après-midi, à partir de 14h, vous pourrez faire dédicacer toutes vos BD préférées, puisque 7 artistes illustrateurs seront présents sur les lieux. Et à 17h, rendez-vous pour la remise des prix du concours de dessin organisé par la bibliothèque de Langer, qui sera suivi par un spectacle de contes à partir de 18h30. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire aux ateliers, contactez la bibliothèque municipale de Langer par téléphone au 02 47 96 12 53 ou bien par email à l'adresse suivante bibliothèque@langer.fr. Dans l'après-midi de samedi également, on a des rendez-vous à ne pas manquer, notamment à la Maison de la Loire de Montlouis, pour assister à une rencontre avec l'historienne passionnée de Loire, Françoise de Person, qui publie son nouvel ouvrage nommé « Le livre d'Étienne Salé ». Elle s'intéresse ici, dans cette forme de biographie, à un marinier de Loire qui exerçait sous le règne de Louis XIV. Le rendez-vous est fixé à partir de 14h30 et il faut réserver, donc rendez-vous sur le site de la Maison de la Loire. Et pour ce qui est de la journée de dimanche, c'est une journée pour les sportifs qui se dessinent avec plein de choses pour vous réjouir. On retrouve d'abord plusieurs randonnées sur le département ce dimanche matin et notamment une randonnée de printemps entre Vignes et Loire organisée à Vouvray. La marche se fera au départ de la place Aulnon et il sera possible de suivre un des deux circuits proposés qui font respectivement 12 km et 8 km. Le premier parcours partira à 9h et le second à 10h. Une belle occasion de découvrir la zone et le terroir tout en faisant une belle promenade. En plus, le soleil devrait être au rendez-vous, donc ça c'est sympa. Rendez-vous sur place le jour de la randonnée pour vous inscrire et un ravitaillement vous sera proposé à mi-chemin. Et dans l'après-midi, ce sont les fans de vélo qui seront ravis avec la 22e édition de la Route Tourangelle. Plus de 130 cyclistes s'élanceront du vélodrome de Descartes à partir de 12h45. La course s'étendra sur 200 km pour atteindre en fin d'après-midi la ville de Tours au niveau de la rue Giraudeau. Vous pourrez donc vous rendre sur le parcours pour soutenir les athlètes ou si vous préférez rester chez vous, rendez-vous sur France 3 pour suivre l'épreuve. Voilà, c'est tout pour ce nouveau numéro de l'agenda du week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radioactive, pour un nouvel agenda. Bonne écoute de la suite des programmes.